Quand on veut se payer une bonne bouffe, le restaurant Midas est la solution. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs, menu à la carte qui comble tous les budgets. Le restaurant Midas au 1084 route 109 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679-0900. Toute notre équipe souhaite la meilleure des chances aux organisateurs et aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Félicien. Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. On s'en va à Samara, à l'aéroport de Samara. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Si vous l'avez vu, évidemment, sur les sites Internet, il est en Russie là-bas. Il a trippé. Il a assisté au match entre la Belgique qui ont accédé. Brésil. Brésil à la demi-finale. Salut, Benoît. Salut, Dan Radio Sport. Salut, hey, Dan. T'es rendu loin? Oui, toute qu'une aventure, vraiment un moment incroyable dans un passionné de foot comme moi, passionné de soccer comme moi. On est arrivé à Kazan mardi passé, ça fait déjà une semaine, ça va. Ben oui, ben mais oui. Mercredi passé, Kazan, on est allé voir le match, comme tu as mentionné, encore huitième de finale, encore de finale, le Brésil-Belgique. J'avais mon maillot du Brésil, là, je t'annonce, j'avoue. J'avais une petite préférence pour le Brésil, donc déception là, mais... on sait que la Belgique a une superbe sélection cette année, donc ils vont être durs à battre. Après ça, on a descendu Kazan en passant de super ville, super place. Les Russes sont sympathiques. Après ça, on a descendu vers Samara. Samara, on est allé voir le match Angleterre-Suède. Encore là, un beau match. Les Anglais ont une belle sélection, une belle équipe aussi. Mm. Et là, on prend l'avion direction Moscou pour le match de mercredi à Moscou, au stade Loujniski, entre les Anglais et les Croates. OK. Dis-moi, Samara, par rapport à Moscou, c'est combien d'heures d'avion? Parce que c'est très grand, là. Faut dire que c'est... Oui, écoute, on parle de 2 heures d'avion. Ah, c'est pas si pire. Ici, c'est pas pire. C'est pas si pire, 2 heures d'avion, mais tu vois, au départ, nous, quand on avait accepté notre voyage, quand on avait planifié notre voyage, on y allait en train. Et okay. En train, c'était 16 heures de train. OK. Tu comprends? Alors, 16 heures de train, ça nous mettait serré dans nos horaires. Alors, on s'est parlé avec moi et mon compagnon Pierre-Vincent, gars d'Alma, que je salue, là, qui est à côté de moi. Si tu veux y parler un petit peu tantôt. Écoute, on avait 16 heures de route à faire, puis on s'est dit, est-ce qu'on prend un peu dans notre budget pour dire on va aller plutôt à prendre l'avion puis se permettre de visiter un peu Samara. Regarde, on a pris une belle, ça nous a permis de relaxer, de prendre un break, parce qu'à un moment donné, c'est du stress, ça bouge beaucoup. Tu sais pas... La langue, on sent qu'on a le Babel traduction pour s'aider. Mais là, on est prêt à prendre l'aéroport ce soir vers 22h30. On a 8 heures de décalage à Samara. Samara, 8 heures de vie. Comment que tu trouves l'ambiance, Scalat? Parce que écoute, tu étais à la Coupe du Monde de 1998 déjà, donc ça fait un certain temps. Par rapport à ce que tu étais, comment tu as trouvé ça? Écoute, c'était en France à ce moment-là, ça fait 20 ans. C'était en France, les Français allaient bien. Ici, en Russie, si la Russie avait remporté son match contre les Croates en tir de pénalty, je t'assure, ce soir-là, on était dans une cour arrière, il y avait un écran géant, c'était la folie furieuse à Samara. Si les Russes avaient remporté ça, je peux t'assurer que le pays aurait été... Mais tu sais, c'est grand, hein, c'est des grandes villes, c'est pas tous les gens qui sont branchés un peu comme ça, mais quand tu te retrouves dans les fan zones, dans les pubs, quand il y a des matchs, ben là, tu vois les moments, tu vois des gens de partout. On a pris des photos avec des Japonais, des Suédois, des Anglais, des Brésiliens. On a rencontré des gens d'un peu partout. Pas beaucoup de Canadiens. Ouais, des Québécois non plus. J'ai vu un drapeau canadien lors du match d'Angleterre, parce que je t'assure que quand les Anglais ont marqué un but d'ami, les partisans anglais, la bière, puis je pensais pas qu'on pouvait avoir de la bière alcoolisée, mais oui, on pouvait avoir de la bière alcoolisée. Okay. Je suis surpris. Parce que en France, je pense qu'on n'avait pas. Et puis, ça fait 20 ans déjà. Et puis, comme à Madrid, au mois d'avril dernier, la bière, c'était non alcoolisée. Donc là, c'était alcoolique. Bon, il y avait un verre. À chaque fois que tu achètes une bière, tu as un verre souvenir avec ça, du match quart de finale. Donc, écoute, c'était un beau moment. Puis, On avance, on s'en va voir la demi, puis écoute, c'est pas fini, il y a la finale aussi. Là. Ben oui, c'est ça. La demi-finale, est-ce que tu vas au match Belgique-France ou tu vas aller à l'autre qui va être... Ah ben là, Moscou, le match à Moscou est le match de l'Angleterre contre... OK, la Croatie, l'Angleterre qui... contre les Croates. Je t'avoue que j'aurais une petite préférence, parce que moi j'aime beaucoup les Bleus, France-Belgique, mais c'était à Saint-Pétersbourg, et c'était là c'était très loin. Alors okay. Là, on va voir le match mercredi. Le jeudi, on va prendre un train, un avion, un train rapide pour aller faire un petit tour à Saint-Pétersbourg. On s'est fait conseiller fortement d'aller faire une virée là. Et on va revenir samedi pour le match de finale de dimanche là, qui est ici à Montréal. Donc, on va avoir deux matchs dans le même stade, là, le stade à Moscou. Là. Hey, dis-moi, comment tu t'es les billets, les souvenirs là-bas, est-ce que c'est dispendieux? Non, c'est pas si pire. On sait que c'est en rouble. Souvent, on va prendre une bière, ça va nous coûter 6$ une c'est bière. Pas mal moins pire qu'au Centre Bell. On peut dealer les taxis. Une bière dans le stade, c'est 6$. 5$, une Budweiser dans le stade, c'est 5$. Les soupers, 10-15$, tu manges très bien. Si tu veux monter un peu, nous, au niveau de la bouffe, on est allé dans de la bouffe russe, on est allé dans de la bouffe... vu que c'est des grandes villes, on s'entend que c'est très international comme bouffe aussi, donc tu as le choix, tu sais. Si c'est allé un peu de la bouffe russe, de voir un peu qu'est-ce qui se fait là-dessus, ben tu dis on va aller goûter à ce qu'on connaît un peu plus. Il y a de l'Iranien qu'on a goûté parce que sur la route d'Akaza, on a connu un Iranien qui nous a accueillis dans son petit resto. C'est devenu un ami parce que là on l'a même ami sur les réseaux sociaux. Alors c'est ça. Bon, on se prépare pour la demi-finale, puis on va aller voir le match de demain quand même, la France contre la Belgique dans la fan zone ou dans un pub là-bas à Moscou. Ça devrait être très intéressant. J'aimerais bien une finale d'amis entre la France et l'Angleterre. Ça serait tout qu'un rendez-vous historique. Mais avant de parler de foot, je veux continuer pareil, Benoît, si tu as encore le temps de me raconter le voyage. Tu t'es fait confisquer le drapeau d'Espoir Soccer. Compte-moi donc ça, moi. Le drapeau d'Espoir Soccer, c'est une aventure. Au départ, écoute, il faut ça se dire au départ qu'il y a beaucoup, beaucoup de sécurité. Hein? Ouais. Les aéroports, à l'entrée des stades, c'est normal. Sécurisé. Tout est vérifié. À Kazan, lors du premier match, Brésil-Belgique, il n'y a pas eu de problème. Ils regardent les drapeaux. Il y avait le drapeau du Québec, parce que j'avais mis le drapeau du Québec, tu connais un petit peu ma fibre nationaliste. Ben oui. Alors, j'avais le drapeau du Québec et j'avais le drapeau d'Espoir Soccer. À Kazan, un peu de problème. Mais à Samara, mon drapeau d'Espoir Soccer a été bloqué. Alors là, il a fallu que ça a été toute une histoire. J'avais oublié mon sac à la sortie de la zone. Puis là, Danny, on pourra peut-être prendre une pause de 10-15 minutes parce que faut rentrer à l'aéroport. Je dois mettre tous mes objets personnels là dans la zone de sécurité. Là. On pourrait peut-être se parler en deuxième partie après. Oui, il n'y a pas de problème. On va faire une pause et on revient dans quelques instants. Vous allez écouter une entrevue avec Benoît Lavoie d'Espace. Pendant la belle saison, il survient parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et de conduite de ventilation. Pour rejoindre les pros de ProNet, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne ainsi qu'à la Coupe du Québec. Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831, poste 27. On est de retour à danradiosport.com. Benoît, on a parlé tout à l'heure de ton arrivée en Russie. Si on parlait un peu de soccer, France, Belgique, c'est surprenant de voir quand même la Belgique là. Hein? La Belgique, Danny, très belle. On l'a vu à l'Euro en 2016, une très belle sélection. Lukaku... Eden Hazard, écoute, c'est deux joueurs offensifs. Ils ont une très belle. De Bruyne, ils ont plusieurs bons joueurs. C'est presque un fin de cycle pour eux. Moi, ça me surprend pas du tout. On l'a vu dès l'entrée de jeu dans la Coupe du Monde quand ils ont commencé dans leur groupe, ils ont surpris déjà. On a vu que ça allait être une bonne sélection. Et puis, je te dirais. Puis, faut pas oublier, Danny, qu'ils sont allés chercher Thierry Henry, qui est assistant avec l'entraîneur. Thierry Henry, que je vois qu'il est bleu. Donc, ouais. ils sont allés chercher un joueur pour une ancienne légende un peu pour soutenir un peu, pour donner le conseil, probablement pour être en soutien avec les joueurs, peut-être faire le relais entre les joueurs. Donc, c'est pas surprenant. C'est quand même drôle de voir ça. Thierry Henry qui va affronter la France en demi-finale aussi. Il veut pas. Il est près de l'équipe. Il est près des Belges. C'est pas surprenant. Moi, ça me surprend pas du tout de voir les Belges à cet endroit-là. On a vu dans leur phase préliminaire comment ça l'a été. Le match qu'on a vu en quart de finale contre le Brésil, je m'attendais à un grand rendez-vous du Brésil, mais forcé d'admettre que non, les Belges ont une très belle sélection et je te l'ai dit un peu auparavant, ma préférence c'est la France, les Bleus. J'aimerais vraiment voir la France en finale parce que je les ai pas vus encore et là on les verra pas en demi-finale, nous on va voir la finale. Alors les Belges, je les ai vus quand même, mais ça serait pas surprenant de voir les Belges gagner le match. Et tu sais, dans un match comme ça, là, 2,45 minutes, ben oui. Selon le schéma tactique des entraîneurs, comment ça va se dérouler, c'est vraiment là, c'est sur un match. Donc on va avoir tout que rendez-vous demain. Nous, on sait pas encore où est-ce qu'on va écouter le match. On a deux options, soit d'aller dans la fanfest, la zone de fans là, à Moscou, ou on va aller dans un endroit pub. On va voir ce qu'on va écouter le match. T'es loin de ton espace soccer à Alma, là. Très loin, mais c'est drôle. On a fait des on a réussi à faire des FaceTime en direct avec gens là-bas. Okay. En début de match, à la mi-temps. J'ai quelqu'un qui me remplace un peu pour prendre la relève de mon espace soccer, parce que tu sais que l'idée d'espace soccer, c'est le partage de la passion un peu, le partage du foot, partager un peu les moments, là, puis développer la culture foot dans notre région, dans la région Saint-Denis-Lac-Saint-Jean. Puis c'est pas juste, comme ça fait longtemps que je le dis, là, et je le répète, c'est pas juste le jeu de base avec les jeunes. Justement, les jeunes, les amener vers qu'est-ce qui se passe sur la planète foot. Et je suis vraiment à l'endroit... l'endroit rêvé là, pour partager ça. J'ai salué des Japonais, des Suédois, des Russes, des Américains, même un Américain qu'on a vu là, des gens de partout sur la planète. C'est comme j'ai dit à mon ami Pierre, c'est le partage là, des passionnés de foot, de la planète foot. OK. Benoît, l'autre finale, c'est... Demi-finale. La demi-finale, c'est Croatie-Angleterre. Moi, j'aimerais ça voir l'Angleterre là, parce que l'Angleterre, écoute, c'est eux qui ont le deuxième circuit majeur en Europe derrière l'Espagne. Et ça fait longtemps, depuis 1990, que l'Angleterre n'a pas atteint le carré d'or. Donc, ça va être intéressant. Très intéressant. C'est là aussi, c'est un grand match, parce que oui, les Anglais, avec Harry Kane à l'attaque, il y a un numéro 10 aussi, les Anglais, là. Un excellent joueur. Moi, j'ai trouvé que c'était le joueur du match lors du dernier match contre les Suédois. Il court beaucoup, très rapide, il joue les défenseurs de belles feintes, fait de super jeux. Ça serait pas surprenant de voir les Anglais. En passant, les Anglais, quand ils ont marqué, c'était la folie furieuse d'année. Les bières, ça revolait d'un bord puis de l'autre. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ça me surprendrait pas de voir les Anglais, mais les Croates. Faut pas oublier, moi, les Italiens. Ils sont pas là pour rien, les Croates. Ce sont eux qui ont battu les Argentins dans la phase préliminaire. Et c'est pour ça que l'Argentine s'est retrouvée contre la France en huitième de finale. On va se rappeler un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde, une victoire de 4-3 de la France. Les Croates avec Modric qui joue avec le Real Madrid. Real Madrid avec Rakitic qui joue pour le FC Barcelone, ils ont deux milieux offensifs très dangereux. Il manque Kudjic aussi qui est un excellent joueur. Donc on devrait avoir une excellente demi-finale aussi. Donc encore là, oui les Anglais, mais écoute, les Croates ont quand même un beau parcours là, dans cette Coupe du Monde là. Donc moi mon choix personnel, mon choix de voir une finale quand même historique, ce serait de voir un Brésil pas un Brésil, mais un France-Angleterre, ça serait vraiment quelque chose. Puis nous, comme Canadiens, comme Québécois, ça, c'est intéressant parce que ça nous touche un peu plus. Là. OK. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Dis-moi maintenant, si on parlait, en terminant, Benoît, je veux te dire que l'Impact a gagné. Et ça va bien pour l'Impact, donc... fait que comme ça je voulais te le dire là, fait que tant mieux que l'Impact Galbien. On va revenir au pays, puis l'Impact, j'ai regardé le classement, je crois qu'ils sont sixième présentement, une quatrième victoire consécutive, tie-down que les deux buts. Ouais. J'ai vu ça dans les highlights, si tu veux là. Alors tant mieux si l'Impact, je pense que ça replace tranquillement, puis on le sait, la MLS c'est un circuit très assez homogène, les clubs peuvent se battre d'une semaine à l'autre. Quand tu as des bonnes passes comme l'Impact a présentement, ben tant mieux. Si la Coupe du Monde peut donner un regain de vie à ces joueurs-là, tant mieux. Est-ce que l'Impact va aller chercher d'autres joueurs? On avait parlé qu'il y avait une fenêtre de transfert qui s'ouvrait. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui peut être annoncé, mais tant mieux que l'Impact aille bien. OK. Donc, on va se parler, Benoît, on va se parler d'ici la fin de la semaine. On va essayer de faire une table ronde avec Jean Gounel, notre autre collaborateur, Jean qui sera là-bas. Avec Johnny! Donc, effectivement, donc on va tenter de le rejoindre. Donc, okay. Voilà, donc Jean Gounel et Benoît Lavoie, plutôt d'EspaceSoccer.com, qui nous parlaient directement de la Russie.